sable brûle sous mes bottes usées. Chaque pas résonne comme un coup du passé. Le soleil cogne, la poussière s'accroche. Ryderski l'avance, la gorge sèche, l'âme farouche. Les rues désertes gardent leurs fantômes. Vieilles façades, whisky qui embaume. Un salon brisé, des regards perdus. Chaque verre raconte des destins foutus. Dans le silence, les chiens aboient. Un piano joue des notes d'autrefois. And whiskey, I'll ride anyway. Les visages fermés murmurent la loi. Le col pend, prêt à trancher la voix. Sous le chapeau, regard acier. Des ombres derrière chaque tombe, une prière dans la poussière. Mais le whisky calme les mains qui tremblent. La légende du cowboy se fait humble. Les cactus pointent comme des juges sévères. Chaque nuit creuse de nouvelles affaires. Le désert avale les âmes trop lentes. Seuls les cow-boys rêvent. Ma voix dans l'ouest. Ryderski survit, mais jamais ne reste.